Aha! Ah, Mrolu, allez, frère. Allez, frère, il moto, il y a un moto, il y a un moto, il y a un moto, Ta son bon métaphore. Ta son bon métaphore. Quand on est indien à mon âge, c'est l'amour.